إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons la série intitulée Les étapes de l'au-delà. On entame aujourd'hui une étape parmi les étapes de l'au-delà qui est importante, à savoir le bassin, al-hawd. Qu'est-ce que le bassin et quelle est sa signification? Le bassin, en langue arabe, signifie « al-jam'a », c'est-à-dire le fait de rassembler. Et il est utilisé pour signifier le fait un réservoir d'eau ou un endroit dans lequel l'eau est rassemblée. Cela peut être un étang, un bassin ou autre. Et sa signification islamique, c'est un bassin, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un bassin immense que les croyants approcheront et vers lequel les croyants se dirigeront. Et ce bassin se trouve dans la terre du jour dernier. Dans la terre du jour dernier. Et ce bassin est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala honorifie son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah azza wa jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Kawthar, qui est un fleuve du paradis. Inna a'tainaka al-Kawthar. Allah azza wa jal lui a également accordé al-Hawd, le bassin. Le bassin est avéré. Ceci dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et à l'unanimité des savants de l'islam. La preuve, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le hadith de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana faratukum ala al-hawd »« Je serai le premier à me rendre au bassin. » Et al-farat, en arabe, c'est celui qui précède les autres en allant vers un point d'eau. Et pourquoi est-ce qu'il précède les autres? Il précède les autres pour préparer cet endroit d'eau, pour préparer les ustensiles qui seront utilisés pour boire. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui sera le premier à se rendre au bassin. Alayhi salatu wassalam. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَضْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. Celui qui s'y rend boira de son eau, et celui qui boit de son eau ne connaîtra plus jamais la soif. Puis il dit, alayhi salatu wa sallam, لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Puis viendront à moi des personnes, des peuples que je connais et qui me connaissent. Puis ils seront séparés de moi. Et l'on verra par la suite pourquoi est-ce qu'ils seront séparés du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et les hadiths rapportés au sujet du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains savants, de par la quantité de hadiths rapportés à ce sujet, comme Al-Qadi Iyad, rahimahullah, ont considéré que ce hadith était mutawatir. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit que ce hadith est rapporté par plus de 40 compagnons. Al-Hafid Ibn Hajar, Al-Asqalani, dans son explication de Sahih Al-Bukhari, a dénombré plus de 50 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté les hadiths au sujet du bassin du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est donc un sujet clair, sans ambiguïté, et cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. Pour cela que vous verrez le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam cité dans la plupart des épîtres liées à la croyance musulmane qu'ont rédigé les grands savants de notre noble religion. Et le bassin se situe, comme je l'ai dit, sur la terre du rassemblement le jour dernier. Les croyants s'y rendront afin de boire de son eau lorsque le soleil se rapprochera d'eux et qu'ils seront pris d'une énorme soif, comme l'on l'a vu dans les cours précédents. Et les savants ont divergé sur Al-Hawd, sur le bassin. Précède-t-il l'étape de la traversée du pont ou le bassin, les croyants s'y rendront après le pont, après la traversée du pont. Et ce qui apparaît, Wallahu A'lam, c'est que les croyants se rendront au bassin afin de boire de son eau avant l'étape du pont. Ceci car, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il sera placé au niveau du bassin et que viendront des personnes qu'il connaît et qui le connaissent, sallallahu alayhi wa sallam, puis seront séparés et éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les empêchera d'approcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'approcher ce bassin. Et dans le hadith, il est cité que il sera dit à ces personnes « Allez en enfer ». Et ceci ne peut avoir lieu qu'avant. Ceci ne peut avoir lieu qu'avant la traversée du pont. Car celui qui traverse le pont se rendra au paradis. Celui qui traverse le pont se rendra au paradis. Donc le fait de considérer que le bassin, l'étape du bassin a lieu après le pont, après la traversée du pont, il serait difficile d'expliquer pourquoi, après cette traversée du pont, dont on parlera, inshallah ta'ala, des personnes puissent encore entrer en enfer. Et de façon générale, l'ordre chronologique des étapes, la plupart des avis à ce sujet sont des efforts de compréhension des savants, rahimahumullah ta'ala. Il y a certaines étapes pour lesquelles l'ordre chronologique est connu, rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour d'autres, cela est le fruit de l'effort de compréhension des savants de l'islam. C'est donc un sujet pour lequel il ne faut pas être trop strict dessus. L'important, ce sont les étapes que chacun et chacune d'entre nous devront surmonter et réussir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le bassin, il est existant à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le bassin, ce n'est pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer le jour du jugement. Mais c'est un bassin qui existe actuellement. La preuve est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, qui est le hadith de Uqba ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce hadith de Uqba ibn Amir fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont précédé sa mort. La preuve est que dans d'autres versions, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu a terminé ce hadith qu'il relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. Il a clôturé dans une autre version du hadith sa parole, ce hadith, en disant que c'est la dernière fois que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un minbar. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et s'est rendu au cimetière de Uhud. خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Uhud et qu'il a prié sur les gens de Uhud, sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont péri lors de la bataille de Uhud et qui ont été enterrés là où ils ont péri, qu'il a prié sur eux la prière du défunt. Et ici, les savants ont divergé sur la prière ici. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux la prière du défunt, la prière mortuaire, la prière funéraire, ou est-ce que ici le mot prière a pour sens invocation, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en leur faveur par des invocations que l'on dit lorsque l'on invoque pendant la prière funéraire. Certains savants ont dit qu'ici il s'agit de l'invocation. D'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux la prière funéraire. Puis, ثم انصرف على المنبر. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti et est monté sur le minbar. فقال إني فرط لكم. Je suis celui qui vous précédera, c'est-à-dire au bassin. وأنا شهيد عليكم. Et je serai témoin contre vous, c'est-à-dire le jour dernier. Et l'on a traité ce témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du jour dernier. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an. Et par Allah, je vois mon bassin à l'instant même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah pour appuyer et pour attirer l'attention des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il va s'apprêter de dire est la vérité. Par Allah, je vois mon bassin à l'heure actuelle. Et les savants ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré son bassin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait devant lui, et ceci est arrivé à plusieurs reprises au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir des choses qui font partie de l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son bassin prouve que ce bassin existe bel et bien. Quant aux caractéristiques de ce bassin, il y a un certain nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent nous décrire ce bassin de façon précise. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hawdi masiratu shahr » « Mon bassin » à une taille de la distance parcourue en un mois. Ma'uhu abyadu min al-laban. Son eau est plus blanche que le lait. Wa rihuhu atyabu min al-misk. Et l'odeur, c'est-à-dire du bassin, est meilleure que l'odeur du musc. Wa kizanuhu kanujumi as-sama. Al-kizan, en arabe, c'est le pluriel de kawz. Et Al-Kawz, c'est un récipient doté d'une anse, une poignée courbée, utilisée pour boire. On pourrait donc traduire le terme kizan par cruche. Les cruches utilisées pour boire l'eau du bassin sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel. من شرب منها فلا يظمأ أبدا. Celui qui boira, c'est-à-dire de l'eau du bassin, en utilisant l'une de ses cruches, ne connaîtra plus jamais la soif. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حوضي مسيرة شهر. Mon bassin a une taille de la distance parcourue en un mois. وزوا وزواياه سواء. et ses côtés sont identiques. C'est-à-dire que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses quatre côtés ont la même longueur, c'est donc un carré. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un carré et chaque côté de ce carré a la distance parcourue en un mois. وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ Et son eau est plus blanche que l'argent. L'argent, le métal. Et pour comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre la langue arabe et comprendre également les expressions qu'utilisaient les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ainsi, les Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils voulaient parler de la blancheur d'une chose, ils la comparaient à l'argent, le métal. Même si l'argent en soi a une couleur grise, mais les Arabes avaient cette expression et utilisaient cette expression pour exprimer la blancheur d'une chose en disant qu'elle est aussi blanche que l'argent. Et dans le hadith d'Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam muslim également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma'uhu ashaddu bayadam min al-laban » Son eau est plus blanche que le lait « wa ahla min al-asal » et plus sucrée que le miel. Dans le hadith de Thawban, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam muslim également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de son bassin يَرُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ Deux gouttières y déversent et le remplissent, c'est-à-dire remplissent le bassin d'une eau émanant du paradis. أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبْ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ L'une de ces gouttières est en or et l'autre est en argent. Ainsi, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est alimenté par deux gouttières. Et l'eau qui traverse ces gouttières émane du paradis. Et dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la source et la provenance de cette eau du bassin est le Kawthar. Et le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé Al-Kawthar, qui est un fleuve présent au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, donne à ses compagnons, radiyallahu anhum, donne des noms de villes et des distances pour montrer à quel point ce bassin est vaste. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son bassin est large comme la distance entre Aden et Amman. La distance entre Aden et Amman. Aden qui est une ville au Yémen et Amman qui est une ville dans le Chem. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كما بين أيله إلى مكة. Il est aussi vaste que la distance entre Ayla, qui est dans le Chem, et la Mecque. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme la distance entre Médine et Sana'a, Sana'a au Yémen. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est aussi vaste que la distance entre Aylata ila al-Juhfa. Al-Juhfa qui est le miqat de ceux qui viennent de l'ouest. Et ce miqat al-Juhfa est situé sur la côte ouest, au bord de la mer Rouge. Et toutes ces villes, ces distances entre ces villes, lorsqu'elles sont calculées, elles équivalent à peu près à la distance parcourue en un mois. Ainsi, de tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on déduit les différentes caractéristiques du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son étendue qui est égale à la distance parcourue en un mois. Sa couleur, la couleur de l'eau du bassin qui est aussi blanche que le lait, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi blanche, et plus blanche, pardon, que l'argent. Le goût de cette eau est plus sucré que le miel, et celui qui boit de cette eau ne connaîtra jamais la soif. Son odeur est meilleure que l'odeur du musc, et la quantité de ces cruches est aussi grande que le nombre d'étoiles dans le ciel. Et enfin, il y a deux gouttières qui alimentent ce bassin et le remplissent, l'une en or, l'autre en argent, d'une eau, et elles alimentent le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une eau émanant du paradis. Certaines personnes seront éloignées et l'accès au bassin leur sera interdit. Dans le hadith d'Abu Mulaika radiyallahu anhu, qui rapporte de Asma, la mère des croyants, radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni ala al-hawd hatta anzuru man yaridu alayya minkum. Je serai positionné au niveau du bassin afin de voir ceux parmi vous qui l'atteindront. Wa sayukhadhu nasun duni. Et des personnes seront privées du bassin et seront séparées de moi. Fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati. Je dirai, ô Seigneur, ils font partie de moi et de ma communauté. فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. Il sera dit, sais-tu ce qu'ils ont fait après toi, c'est-à-dire après ta mort? وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ. Par Allah, ils n'ont cessé de délaisser leur religion, c'est-à-dire d'apostasier. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. Et Abu Mulaika, رضي الله عنه, le rapporteur de ce hadith, disait: Ô Allah, nous demandons ta protection contre l'apostasie et contre le fait d'être éprouvé dans notre religion. Et dans une version de l'imam Muslim, selon Umm Salama رضي الله تعالى عنها, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'il lui sera dit: فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا. Et dans la version de l'imam Muslim rapportée par Umm Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'il lui sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et je dirais suhqan suhqa, éloignez-vous, éloignez-vous. Ainsi, les deux types de personnes qui seront éloignées du bassin et seront privées de son eau sont ceux qui auront apostasié et ceux qui auront innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala une chose non légiférée par Allah ou par son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit en expliquant ce hadith: قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَكُلُّ مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ مَا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَلَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِهِ فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. Nous savons qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. On dit que celui qui apostasie ou celui qui innove dans la religion d'Allah, une chose qu'Allah n'agrée pas et ne permet pas, sera refoulé du bassin et en sera éloigné. Quelle est la différence entre Al-Kawthar et le bassin? Il y a plusieurs choses qui distinguent le Kawthar, le fleuve, qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et Al-Hawd, qui est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a déjà une différence dans le lieu dans lequel il se trouve. Quant au Kawthar, c'est un fleuve qui se trouve au paradis. Quant au bassin, il se trouve dans la terre du jour dernier. Parmi les différences également, c'est que l'eau du bassin a pour origine le Kawthar. Ainsi, le Kawthar est la base du bassin. Et l'eau du bassin est puisée et provient du Kawthar. Parmi les différences également, il y a la différence linguistique. Le fleuve est par définition une eau qui coule. Quant au bassin, c'est une eau stagnante. C'est un endroit qui rassemble l'eau et ne la laisse pas s'échapper. Et également, parmi les différences entre le Hawd et le bassin et le Kawthar, c'est que le Hawd, le bassin, a des caractéristiques qui lui sont propres, comme la distance, comme le fait qu'il est de gouttière, ainsi de suite. Et dans le hadith de Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du Kawthar, « Nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla fil jannati alayhi hawd » Il dit alayhi salatu wa sallam, en parlant du Kawthar, « C'est un fleuve que mon Seigneur m'a promis, c'est-à-dire de donner au paradis, alayhi hawd » Et il possède un bassin. Également, un sujet concernant le bassin, à savoir, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est le seul prophète à posséder un bassin ou non? C'est un sujet de divergence entre les savants, rahimahumullah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète et envoyé à avoir un bassin, ou est-ce que tous les prophètes auront leur bassin? Et la cause de la divergence des savants à ce sujet réside sur un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, et les savants ont divergé sur son authenticité ou non. Ceux qui le considèrent faible sont de l'avis qu'il n'y a pas de preuve authentique qui prouve que tous les prophètes auront un bassin. Et ceux qui considèrent que ce hadith est authentique le considèrent donc comme une preuve que chaque prophète aura son bassin. Et ce hadith est le suivant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لِكُلِّ نَبِيٍ حَوْضٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Chaque prophète aura son bassin le jour du jugement. وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدًا وَإِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis ils discuteront entre eux, c'est-à-dire les prophètes, au sujet de lequel des bassins connaîtra le plus d'affluence parmi ceux qui viendront boire de son eau. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans Sahih At-Tirmidhi, dans son livre Silsilat al-Hadith al-Sahiha, et dans d'autres livres dans lesquels Cheikh l'Albani, rahimahullah, rapporte les différents chemins de ce hadith. Et les différents savants qui ont rapporté ce hadith, en étudiant chacune de ces chaînes de transmission, et il en est arrivé à la conclusion, rahimahullah, que ce hadith, en réunissant toutes ces versions et en réunissant tous ces chemins, arrive au degré d'authenticité. Arrive au degré d'authenticité et le considère donc authentique, rahimahullahu ta'ala. Donc ceci concernant le Hawd, concernant le bassin, et les choses les plus importantes à savoir. Et comme on l'a vu, les personnes qui seront éloignées et privées du bassin sont ceux qui ont apostasié et ceux également qui auront innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre la gravité de l'innovation. Et la gravité de l'innovation est malheureusement méconnue de beaucoup de musulmans. Ils connaissent son côté péjoratif, mais ne prennent pas conscience de la gravité de l'innovation en islam. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il a cité les degrés de gravité de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, a cité l'innovation avant les grands péchés. Et l'innovation, de par sa dangerosité, les personnes s'en repentent peu. Et c'est ce qui prouve qu'elle est plus grave que les grands péchés. Car celui qui commet un grand péché sait qu'il est en tort. Il sait qu'il est fautif vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cela l'amène à regretter son geste, à regretter son erreur et à revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'innovateur, il est persuadé d'être dans la vérité. Il est persuadé que dans son innovation, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pense pas à se repentir car pour lui, il ne commet pas de péché. Et c'est la gravité de l'innovation. Elle est sournoise et elle inculque dans le cœur de l'innovateur la maladie des ambiguïtés, qui est plus gravissime et plus destructrice pour le cœur que la maladie des tentations et des envies et des passions. Et parmi les leçons à retenir de ce bassin, comme l'ont dit certains savants, qu'il y a deux bassins. Il y a le bassin ici-bas et le bassin de l'au-delà. Quant au bassin d'ici-bas, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quant au bassin de l'au-delà, c'est ce bassin dont nous venons de voir les mérites et les caractéristiques. Celui donc qui boira du bassin d'ici-bas, celui qui apprendra, se cramponnera, mettra en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas de son vivant, pourra boire et profiter de l'eau du bassin le jour dernier. Et plus son attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera grand et fort dans cette vie d'ici-bas, et plus la quantité d'eau qu'il boira de ce bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera grande. Et à l'inverse, celui qui se détourne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lui tourne le dos dans cette vie d'ici-bas, se verra éloigné, wal'iyadu billah, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, afin d'entamer la semaine prochaine l'étape de As-Sirat, l'étape du pont qui est érigé et établi au-dessus de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Wa naktafi bihada al-qadr. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.